Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, l'élan. Avec ses 2,20 m au garrot, c'est le plus grand des cervidés. Même si, du temps de la préhistoire, son cousin Mégalocéros se dépassait d'une bonne tête. Mais voilà, l'élan a survécu aux différentes glaciations, contrairement au Mégalocéros qu'on ne croise plus aujourd'hui que dans les musées. L'élan sera donc notre champion. Une créature à la silhouette attachante, avec ses pattes hautes, son corps relativement court, son garrot bossu et sa tête portée par un si petit cou qu'elle semble greffée à son tronc. On n'oubliera pas son large mufle à la lèvre tombante et bien sûr ses superbes bois palmés. Qu'on ne se laisse pas influencer par son allure dégingandée due à la longueur inhabituelle de ses pattes. L'animal est vif et peut atteindre 55 km/h au galop et excelle aussi à la nage. On le retrouve d'ailleurs souvent sous l'eau, en train de brouter des plantes aquatiques. Une habileté renforcée par des sabots élargis et palmés qui lui permettent de ne pas s'enfoncer dans les sols poreux et de se mouvoir dans les rivières et autres lacs qu'il traverse aisément à la nage. Nous voilà dans la taïga, dans le nord de l'Europe, où la bête vit de manière plutôt solitaire. Jusqu'à ce que l'automne arrive, saison des amours de l'élan, et qui permettra au couple de se constituer. De la mi-septembre à la mi-octobre, l'appel des mâles retentit dans la forêt. Il s'agit d'un grognement sourd, répétitif et stéréotypé, qui n'a lieu que pendant cette période de l'année et qui a pour vocation d'attirer les femelles. Pas que le reste de l'année, l'élan soit mutique pour autant. Son répertoire vocal comprend d'autres signaux sonores, cris de contact, couinement aigu de jeunes, aboiements d'adultes en situation de danger, gémissements de soumission par les jeunes des deux sexes lorsqu'ils sont menacés par un mâle adulte. Mais revenons-en à notre parade amoureuse et à ses grognements. L'élan va donc se rapprocher d'une femelle en grognant et en se balançant les yeux révulsés. Si la femelle n'est pas réceptive, elle va pousser des gémissements de soumission afin de calmer le mâle, puis s'éloigner craintivement. S'ensuit une partition à deux voix, le mâle grognant et la femelle lui répondant en contre-chant. Et pour séduire une femelle, le mâle a d'autres atouts que son chant. C'est la période de l'année où il est le plus imposant, il peut peser jusqu'à 700 kg et ses bois, particulièrement larges et beaux à cette époque, lui permettent de livrer des combats sans merci à ses congénères. Et si tout cela ne suffisait pas, l'élan peut aussi se rouler dans sa propre urine et imprégner ainsi son corps de phéromones, un parfum de séduction auquel une élan femelle finira bien par succomber. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnet avec la complicité de Henri Cap et de David Roby, ainsi que de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret. Mmh.